voici mon balioka, élection est bannie. Le 31 octobre, le 1er novembre, mis son yon soton qu'on votait, langue à maya podou. Mis son yon soton qu'on votait, na confiance ta mi tema. Boti kambiringa, miringa, toka ni salavenir. Bato bako kosa biso, to emi sana parti. To boi mbilinga mbilinga, to bongi sa mokili. Moi si mon balioka, election e bandi. Le 31 octobre, le 1er novembre. Soyons soto qu'on vote, langue à maya pondo. Puis soyons soto qu'on vote, na confiance na mitema. Boti kambiringa, miringa, toka ni salaveni. Bato bako kosa biso, to ebisa na papi. Tomboy miringa, miringa. Bana betu, ba citoyenne, kola yi, kola iskabidi. Dumanyi ne mule 31 octobre, ne 1er novembre, tetu bon sotu di bwaku vote kakanda kamaya matamba. Banduku ba penzi, ba bibi na ba bwana, munaiwa kusema mwisho wa mwezi itu yuko nayo mule 31 octobre, na 1er novembre, che bote inapashwa tuvote mai ya sombe. Hamukana ngono. Hamukaya kala. Hanguasi. Betu kile 31 octobre. Yele 1er novembre. Mamba mansak. Tuvot. Di. Bishina kanlo kwa tukufote di niko. Ah di. Tukufote kaka maya mpondo. C'est vrai. Weko. Ba mama batata bandeko, citoyenne, citoyen, militante, militant. Boye bimalamu le 31 octobre, pena le 1er novembre. Bisoyon so toko vote, mai ya mpondu. Bampangi na beto, unu kekuza bisabe nou piliayi. Benouza bambote le 31 octobre, na le 1er novembre, Bétions ou que voté Maza ya Saka Saka. Yo, qu'on vote Nino, maman. Naïna, qu'on vote Maya Bondo. Dina Nini, na qu'on vote. Na pesi confiance, na conscience, langaï. Moto na moto. A voté, a bonan de côté. Basi, bon, qu'on vote Nino. Biso toko vote maya pondo. Dina nini boko vote. To pesi confiance na conscience na biso. Moto na moto. A vote a pona de kote. Basi boko vote ninyo mama. Biso toko vote maya pondo. Basi boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondu. Dina nini boko vote. To pesi confiance na conscience na biso. Moto na moto. A vote a pona de kote. Na Bukavu boko vote ninyo. Biso toko vote maya pondu. Na Inongo toko vote ninyo. Soto ko vote maya pondo. Na kikwit boko vote ninyo. Bisoto ko vote maya pondo. Kisangani boko vote ninyo. Bisoto ko vote maya pondo. Bujimayi boko vote ninyo. Bisoto ko vote maya pondo. Luluabur boko vote ninyo. Soto ko vote maya pondo. Congo central, boko vote Nino. Biso toko vote Maya Pondo. Nakatanga boko vote Nino. Biso toko vote Maya Pondo. Na Equateur boko vote Nino. Biso toko vote Maya Pondo. Na Bandundu boko vote Nino. Biso toko vote Maya Pondo. Nakisasa boko vote Nino. Mama, biso toko vote Maya Pondo. Biringa biringa tomboyo. Biringa biringa tomboyo. Biringa biringa tomboyo. Boko sopo.